je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je t'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je t'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Je t'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne, fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, et dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Yo, it's time! Vous sortez du boulot, les enfants hurlent à l'arrière de la voiture. Vous êtes bloqué dans les embouteillages. Pas de panique, branchez-vous sur Fun Radio. Fun. L'Happy Hour avec Audrey, ça commence maintenant sur Fun Radio. Ah là, ouais, branchez-vous sur Fun Radio, tout ça, tout ça. On ne remerciera pas Maître Gims, hein, parce que grâce à lui... Et je vagabonde. J'ai eu droit à un petit déhanché collé serré de Sandro dans le studio, je ne m'en remettrai jamais, je crois. T'as bien aimé, arrête un peu. Comment dire, c'est lundi, c'est le début de la semaine, alors désolé, même si on est là, on est en mode Happy Hour, donc on est happy, tout ça, on est content, mais quand je dois vivre des choses pareilles, avoir droit à un déhanché de Sandro en début de semaine, je me dis que ma semaine va être compliquée. Mais non, c'est pas gentil, ça. Non, c'est vraiment une catastrophe. Comment ça va, les garçons? Vous êtes en forme, Fab? Bah, pas depuis que j'ai vu danser Sandro. Il danse comme un tétraplégique, Sandro. Oh, mon enfant. Hey, les gars, je me prépare à danser avec les stars là pour la rentrée. Quelle bonne nouvelle, ouais, danse avec les cafards, ouais. Ça a été ton après-midi, Fab? T'es en forme? Non, ça n'a pas été. Oh, ça y est, pourquoi? Parce que voilà, je tiens à pousser un coup de gueule là, oh, maintenant devant tout le monde. Bah, j'ai sens, promené hein. mes chiens avant de venir à la radio. Mais ça fait vraiment papy de dire ça. Bah écoute, si tu veux, papy a promené des chiens avant de venir à la radio. Ouais. Et j'ai mon sac à crottes. Au cas où. Mais c'est une vanne. Je ne suis pas prête à vivre ce genre de choses. Sincèrement, franchement, je suis venue avec le sourire à la radio. Je dis cool, je vous retrouve, je retrouve les auditeurs, on va passer un bon moment. Et l'autre, il me parle de son sac à crottes. J'ai un sac à crottes, c'est au cas où, tu vois. Au cas où je me fais griller, parce que sinon, c'est sûr que je ne ramasse jamais les crottes du chien. Ouais. Et aujourd'hui, je n'ai pas marché une fois dans le caca, je n'ai pas marché deux fois dans le caca, ouais, je n'ai pas marché trois fois dans le caca. Quatre. J'ai marché quatre fois dans des crottes de chien. Merde. Tout au long c'est de chez moi. Ah bah dis donc. Ça porte bonheur, ouais, ça, non? Il paraît que quand tu marches dans un caca de chien, du et bah pied tu. Gauche. Ah, c'est parce que du pied droit ça marche pas? Non. Qu'est-ce que c'est que cette faut arnaque? Faut faire un loto ou un win ouais, for life, un truc attends, comme ça. Kéké du standard, va nous faire un loto. Je le sens bien là. Ouais, je sens surtout l'odeur de la merde sur les chaussures de Fab, mais. C'est moi qui ai marché, c'est pas vous. C'est pas grave, on participe, on est une famille, monsieur, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Sandro, il a passé une bonne après-midi? Une très bonne après-midi sous la pluie. J'ai fait du patin à roulette. Mais vous avez une vie exceptionnelle, les garçons. Ouais. T'as fait du patin à roulette. Voilà, c'est ça. J'ai fait du roller, ceci dit. Mais comme il pleuvait, bah, je me suis vachement cassé la gueule. D'accord, quoi. Normal. Donc, mais voilà. Le gars fait du patin à roulette, quoi. J'ose même pas poser la question à Kiki, en fait. Ça va, Kiki? Ouais, moi, une après-midi relax. Ah, c'est bien. Relax. Là, du coup, je me sens mieux, là, d'un coup. Ça. Fun Radio. Fun. Bon, c'est pas tout ça, mais on vous a pas oublié aussi, hein, de l'autre côté de la radio. Merci de vous être branchés sur Fun Radio. On aura du cadeau là tout à l'heure pour vous. Restez bien là. Je vous explique tout ça juste après les infos de Carlo. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Une nouvelle semaine vient de commencer. Alors à quoi peut-on s'attendre dans les 7 jours qui viennent? Bah demain on a le début de l'été, ça c'est sûr. Par contre, peut-on s'attendre à du beau temps? Bah disons que c'est déjà un petit peu moins sûr. Mercredi, la Diable Rouge affronte la Suède dans le cadre de l'Euro 2016 de football. Peut-on s'attendre à une qualification pour les huitièmes de finale? Oui, très clairement. D'abord parce que les Belges nous ont rassurés samedi contre l'Irlande. Et puis parce qu'il ne leur faut qu'un seul point face aux Scandinaves pour poursuivre leur aventure. Enfin, jeudi, nous aurons droit à un référendum crucial pour l'avenir de l'Europe. Hein, celui qui est sur le maintien ou non du Royaume-Uni au sein de l'Union. Et là, peut-on s'attendre à une victoire du Brexit, donc du camp de ceux qui veulent faire chambre à part? Bah, disons que c'est tout à fait envisageable. Mais les derniers sondages sont plutôt favorables à ceux qui prônent le maintien du pays au sein de l'Europe. L'assassinat de la députée pro-européenne Jo Cox par un facho souverainiste semble avoir provoqué un électrochoc. Ce serait quand même un comble de voir triompher le camp des anti-Brexit grâce à un pro-Brexit. Ce qui semble être un comble aussi, cela dit, de constater que les partis populistes et racistes sont les alliés objectifs de Daesh et consorts, hein, puisqu'ils profitent de la peur de l'extrémisme pour s'attirer les faveurs de l'électeur un petit peu partout dans le monde occidental. En Italie, le parti populiste qui cartonne, c'est le mouvement Cinque Stelle, 5 étoiles, de l'humoriste Beppe Grillo, un humoriste qui ne fait plus du tout rire la classe politique traditionnelle. Précisons quand même que l'idéologie de ce monsieur n'a rien de raciste, hein, ses préoccupations sont plutôt d'ordre écologique, mais c'est le dégoût de la population italienne pour les partis traditionnels, qualifiés de corrompus, qui explique son succès, et notamment celui de Virginia Raggi, qui vient d'être élue maire de Rome. Même que cette avocate de 37 ans sera la première femme à occuper ce poste, un poste prestigieux, mais très casse-gueule, hein, vu que la capitale du pays est criblée de dettes et réputée ingérable. Un défi de taille donc, et pas seulement pour elle, mais pour l'ensemble du mouvement 5 étoiles, qui joue sa crédibilité à Rome alors qu'il ambitionne de gouverner un jour tout le pays. Chez nous, et suite à la nouvelle menace terroriste dont il a été beaucoup question ces derniers jours, la STIB ferme l'accès à certaines stations de métro à la demande de la police. Mais que les choses soient très claires, hein, ce ne sont pas les stations en question qui sont fermées, mais bien certains accès. Le réseau fonctionne donc tout à fait normalement. Ça concerne les stations Botanique, Bourse, De Brouckère, Herman de Brou, Roger et Isère. Enfin, retour à l'Euro 2016 avec les derniers matchs dans le groupe A. Hier, à la victoire de l'Albanie 1-0 contre la Roumanie qui est donc éliminée. Les Albanais, troisième du groupe, peuvent encore espérer se qualifier. Dans l'autre rencontre de la soirée, la France et la Suisse sont partagés 0-0. La France et la Suisse qu'on reverra en huitième, hein, ça c'est certain. Dans une heure, j'évoquerai les matchs de ce soir. Fun. Fun Radio. Soutenir les Belges à la piscine. Allez Kevin. Ou soutenir votre enfant au mini-club. Allez Kevin. Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine là sur Fun Radio. Merci de vous être branchés dans la Piawar. On est avec vous jusqu'à 20h. D'ailleurs, dites-moi comment ça se passe vous de l'autre côté. C'est quoi votre programme de la soirée? 30-44 pour vos petits messages. On aura du cadeau aussi pour vous dans un instant. On se fait tout ça juste après le programme de la météo. Carlo, est-ce qu'il va faire beau? Ah, génial demain, mais ce sera moins pire qu'aujourd'hui. Hein, ah, c'est avec, déjà ça. Ouais, des températures qui sont reparties à la hausse. On va redépasser la barre des 20 degrés. Cool. Pour le reste, un temps un peu plus sec quand même. Quelques petites averses, hein. Il ne faut pas trop en demander et beaucoup de nuages. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse avec Audrey et le son de David Guetta. Salut. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Voilà, c'est énorme. Fun Radio. Are you ready? Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre l'hymne officiel de l'Euro 2016. Et le match des Diables Rouges, c'est ce mercredi, hein, les gars, il va pas falloir louper ça. D'ailleurs, on sera en direct depuis Montigny-le-Tilleul, dans la région de Charleroi. À Charleroi. On va se faire agresser. Mais enfin. Oh mais non, mais non. Oh mais le cliché. Allez, on va écouter Eraïs Réfi dans un instant. Il y aura aussi le son de Duc du Monde. Comment ça, on va se faire agresser aucun à Charleroi? Aucun objet de valeur, Sandro. On ne prend rien avec pas de monde, pas mais de bijoux, pas de portefeuille. Shotgun, on prend pas ma voiture. Mais les gars. On va en vélo. On va en vélo. On loue une bagnole. Mais vous êtes des grands malades. Vous savez qu'à Charleroi, on est très sympa, on est très accueillant, très gentil, très gentil. Et d'ailleurs, les Carolos sont tellement sympas qu'ils nous accueillent ce mercredi. Il y a un écran géant à Montigny-le-Tilleul et on sera là à partir de 16h. On va faire l'émission en direct de là-bas et puis on regarde le match avec les Carolos. Et voilà. Oh, j'ai peur. Mais ça va être une chouette expérience. Hein. J'ai jamais été en Amazonie, mais j'ai peur. Et ben, je vais vous faire changer d'avis sur Charleroi, vous allez voir. C'est une sortie de groupe obligatoire, madame. Ouais, ou pas c'est ça. Ouais. Sinon, t'es pénalisé et t'as zéro pointé à ton bulletin, mon vieux. T'inquiète pas, l'écran géant, il tiendra jamais jusqu'à mercredi. C'est dégueulasse, sérieusement. Non, mais franchement, si vous voulez venir nous faire un coucou, on vous mettra l'adresse, tout ça, sur la page de l'émission. Mais vous êtes pas obligé, vraiment. Mais si, vous irez faire un tour sur Happy Hour avec Audrey sur Facebook et on vous mettra l'adresse, tout ce qu'il faut. Non, mais oh, sérieusement, j'en reviens pas de comment vous vous moquez des Carolos. Moi, je suis là. Je suis dans la pièce, hein, je vous entends, hein. Sérieusement, parce que souvent vous cassez un peu les Carolos, mais il faut qu'on en parle deux minutes. Oui. Qu'est-ce que vous avez contre les Carolos? C'est quoi le problème? Comment les Carolos? Sérieux? Non, moi j'aime bien le Moyen-Âge et j'ai rien contre. Le Moyen-Âge, mais enfin, je viens de tilter, mais ça va pas. Qui est du standard? Tu les vois comment toi les Carolos? Bah je sais pas, mais en tout cas pas des gens de normaux en tout cas. Pas trop. Mais il dit ça tout sérieux, en plus, pas... Sandro. L'infrastructure. Pourquoi vous avez un ring dans la ville? Mais c'est un qui rentre dans les maisons. Pourquoi? Non, ce n'est pas un ring. Non, c'est un ring suspendu. Et c'est une technologie assez impressionnante. On est les seuls à l'avoir. Bah, heureusement que vous êtes les seuls. Je savais pas si on allait leur mettre une autoroute ou pas. Tu vois, c'est quoi? Rajoute un truc en l'air, on va l'appeler ring suspendu. C'est pas cool. Attends, heureusement, on a une nouvelle stagiaire dans l'émission. C'est Alison. Ouais. Et Alison, t'es de Charleroi aussi, toi? Ouais, moi je suis Charleroi. Voilà, alors s'il te plaît, tu veux bien dire à ces personnes. Mais c'est génial, Charleroi. Ah, voilà, merci. Voilà, c'est bon. Alors attendez, on va faire un truc. Vous pensez quoi, vous, des Carolos et de Charleroi en règle générale? 3044, vous nous envoyez un petit message et on verra si vous êtes un peu du même avis que les garçons autour de la table. Parce que je suis désolée, les Carolos sont pas si. C'est pas des animaux, on peut venir en training mercredi pour se mettre dans la masse. Mais c'est quoi ces clichés, sérieusement? Non, mais je te jure. Ok, des fois on met des chaussettes de tennis avec des sandales. Ok! Mais sinon, tu on vois. On va enfin boire de la carapils. Et toi? Allez, 3044 pour vos messages. Mais c'est pas vrai, ça. Can't get it, I just speak. Hide the man on me. Can't miss it, I don't cheat. Can't get it, I just. duszy prysz. Ja mam cię, ja mam anę. Skurw to w nie her, ja mam no kędzej. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Radio, ça c'est le son de Justin Timberlake que je vous ai calé pour la suite. Il y aura aussi Autonose avec Avicii côté son dance floor. C'est la guerre par SMS au 3044. Et ouais, parce qu'on a parlé de Charleroi, on sera en direct ce mercredi depuis Montigny-le-Tilleul pour aller voir le match des Diables Rouges. Alors on va faire l'émission de 17h à 20h là-bas et puis on reste regarder le match avec les Carolos. Ah, on est obligé ça. Et bah quoi, mais c'est cool. Alors du coup, depuis tout à l'heure, l'équipe me saoule avec ça parce que peut-être vous le savez pas. Si vous venez de débarquer sur Fun Radio, mais en gros, moi, je suis Carolo. Je viens de là, je viens de Charleroi, je suis fière de ça. Mais dans l'équipe, ils sont tous contre les Carolos. Je sais pas ce qu'ils sont avec ça. Mais non, moi je taquine, mais ma famille vient de là-bas. Je suis de là-bas aussi. Quoi ? Mais ouais. Traître. Fab. Un peu plus bas, Morlan, oui. Ah, bah c'est pire. Quoi ? Ouais, c'est Charleroi sans internet. Mais c'est pas grave, tout le monde est sympa. Dis, attends, Morlan, oui, c'est pas Charleroi, hein. C'est la Louvière. Si, c'est à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, Charleroi, ça la Louvière, même combat. Hein. Bah, mais non, c'est vrai, c'est rempli d'Italiens. Tout le monde parle italien. T'es chez toi là, t'es vite chez toi, tu vois. Tu peux manger des brochettes avec des boulettes. Ah, tu vois. Ah, tu vois, c'est des choses sympas, Charleroi. Des hein, brochettes avec des boulettes. Mais oui, pose pas de questions. Des brochettes de boulettes. Je te ferai goûter un truc. On a une friterie à Charleroi qui s'appelle Robert. Oui, tu m'avais parlé d'un truc là. Ah, le baliboulette sauce renversée. Sauce riche. Baliboulette, attends, c'est pas ça. Non, attends, je m'embrouille. C'est oula. Le baliboulette renversé sauce riche. Voilà, c'est une chanson, voilà. Ça. Baliboulette dans son berceau. Non, mais sérieusement, je vous ferai goûter. Ok, ça marche. C'est pour moi, ça fait plaisir. Paris, pompe est parfait alors. Bon, et on a Rudy, justement, qui vient de Charleroi. Il va vous dégommer. Bam. Oula. Ça va, Rudy? Ouais, ça va bien, toi? Ah, t'as une bonne voix de bien, Carolo, genre méchant. Vas-y, défonce-toi. Non, Charleroi, on n'est pas méchant, on est gentil. C'est la chaleur, comme je t'ai écrit dans le message. Ah, ben voilà, on est bien d'accord, Rudy. Ben si, on est très sympa, Charleroi. Oui, c'est des voitures qui brûlent. Ah, mais enfin. Ils font grève. Ça aide aussi, ouais, c'est clair. Bon, hé, Rudy, tu viens, toi, mercredi, à Montigny-le-Tilleul? Oui, je serai là. Normalement, je serai là. C'est pas certain parce que je risque de changer d'horaire au boulot, mais normalement, ouais, c'est prévu. Ouais. Et ben, hey, si jamais tu viens, je veux que tu viennes genre avec de la crème fraîche, tu la balances dans la face des garçons de l'équipe, d'accord? Mais pourquoi? Ouais, j'emmène 20 kilos, y'a pas de problème. Magnifique. Rudy, je t'aime. Voilà, vous avez vu les gars, parce que vous faites les malins, parce que là, vous êtes dans votre petit studio, hein, bien planqué à Bruxelles. Mais mercredi, vous allez être face au Carolo, les gars. Et moi, je voilà, m'en fous, je prends mes cousins, quoi, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Rudy, merci d'être passé à l'antenne, je te fais des gros bisous. Ou, en tout plaisir. Cas, merci, bisous, bisous. On me dit, mais c'est quoi cette opinion sur Charleroi? Tout le monde n'est pas baraki et ça marche pas en tongs avec des chaussettes montantes. Alors, ça par contre, je peux te dire, je viens de Charleroi, que c'est quand même beaucoup de gens qui mettent ça. Et souvent, à la mer du Nord, on les reconnaît, les Carolos, grâce à ça. Ah, ouais. Quand tu vois quelqu'un qui se balade, mais même mon père, il fait ça. Quoi, chaussettes, sandales? Ouais, dans chaussettes. Ta famille, on fait ça? Mon père, il fait ça. Chaussettes, oh, chaussettes de tennis, tu vois, genre les grosses chaussettes, ouais, qui montent, ouais, mais ils mettent ça avec des sandalettes. À la base, c'est un truc d'allemand. Hein. Il est hollandais, mais maintenant, ça arrive chez nous. Ça a été racheté par les Carolos. Ah bah ouais, voilà, c'est un concept, c'est la mode, ça ne se discute pas. Les goûts et les couleurs, c'est comme ça. On me dit, celui qui n'a jamais fait la fête à Charleroi n'a rien connu de sa vie, mort de rire, c'est comme les ch'tis. Ouais, faut bon, c'est pas très gentil ça. Tu pleures quand t'arrives et quand tu repars, mais pas pour les mêmes raisons. Ah bon? Pourquoi? Et tu repars sans ta voiture. N'empêche, tu sais quoi, blague à part, j'avais un pote qui critiquait tout le temps Charleroi. Et ouais, comme avec vous, je dis, mais non, Charleroi, c'est bien, c'est cool. Viens passer une soirée, je t'invite, je vais te faire découvrir des trucs. On a été boire un verre au Dautif, on a fait plein de choses. Et puis en fait, le pauvre, il avait garé sa voiture près du tribunal. Et en fait, on lui a niqué ses carreaux. Oh là là là. Je t'explique même pas ma tête quand je suis revenue devant la voiture. Je me dis, mais pourquoi? J'essaye de montrer que c'est cool, les gars, déconnez pas quoi. Oh non. Donc voilà, lui ne veut pas me croire, mais je vais réussir à vous faire changer d'avis, vous verrez. Mercredi, on va bien s'amuser avec tous les Carolos. On ira. Mais on avec ta voiture. De toute façon, on se reconnaît entre Carolo et Tucheron. Ils toucheront pas la voiture. D'accord. C'est un peu une grande une grande mafia plutôt. Ouais, famille, non. C'est une grande mafia, Charleroi, et on s'aime tous. Bon, on sera là en tout cas mercredi, et même s'ils ne veulent pas venir, je les attacherai dans la voiture pour qu'ils viennent avec. Oh. On sera là à Montigny-le-Tilleul et on vous mettra toutes les infos sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. On va se faire le son de Justin Timberlake maintenant. Comme promis, il y aura Autonose et Avicii aussi pour la suite. On aura du cadeau à vous filer et le coup de pouce aussi qui va arriver avec du taf à vous proposer. Si vous êtes dans la dèche, bah ça va vous intéresser, restez là. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Au 3044, quelqu'un me demande c'est quoi des films de boules, Vince? Alors, des films de boules. C'est le tirage du loto, mais en 3D. Voilà, c'est le championnat du monde de pétanque. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est un ou film. De curling. Oui, c'est. Ouais, enfin, c'est une boule un peu plate, hein, quand même. Hein. Tous les soirs, dès 20h, c'est libre antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun. Proximus présente Full Control. Parce que même ceux qui pensent gérer à mort... Ah non, ce soir je ramène pas de mec chez moi. Abuse parfois un peu. Tu veux du lait dans ton café, Nico? Et toi, Alex? C'est Alex, hein? Alors Proximus lance un nouvel abonnement GSM, Full Control. C'est tous les avantages d'un abonnement, mais sans jamais dépasser ton budget. Info sur proximus.be/full control. Proximus, infiniment proche. Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick? Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Déroulés. Ouais, enfin on dit des wraps. Ah oui, des wraps. Alors, il y en a un grand, poulet pané et cheddar sauce Giant. Ah, Giant comme le burger? Oui. Oh. Et un petit wrap sauce tomato sweet onion. On peut prendre les deux? Gourmande. Quick, le goût d'en faire plus. Quick. Fun Radio présente la Garden Party les 23 et 24 juin au Parc de l'Esplanade à Hâte. Deux jours de fiesta et de son dance floor avec en live Willy William. James Dino, Teddy K et Vince de Fun Radio. Ne manquez pas la Garden Party les 23 et 24 juin au Parc de l'Esplanade à Hâte. Infos et réservations sur ticketmaster.be. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. Papa, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je sais que tes héros d'aujourd'hui ne passeront pas l'hiver. Que tes poupées cassées, blanchies, on va les foutre en l'air. Quand ils te diront pour Noël, tu vas me détester. y a jamais eu le barbu fidèle dans notre cheminée. Il va te rester quoi de ça? Je t'aurais fait courir. Il va te rester quoi de moi? Le monde à parcourir. À parcourir. Alors des angoisses soudaines qui n'auront pas de sens. Je les apaiserai, je m'entraîne depuis les grandes vacances. Je crains juste ce jour où tu diras: je n'ai plus peur, papa. Il va te rester quoi de ça? Je t'aurais fait courir. C'est quoi de moi, le monde à parcourir, à parcourir. Plus de taf, plus de copines, peu importe le problème. L'Happy Hour avec Audrey vous donne un coup de pouce de 17h à 20h sur Fun Radio. Envoyez dès maintenant Fun par SMS au 3044 et on s'occupe du reste. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Just imagine. Ça fait plaisir de passer la soirée avec vous. On est en mode happy hour jusqu'à 20h. Il y aura du bon son dans un instant avec Jonas Blue. Mais d'abord, nouveauté, new music, découverte Fun Radio. Je vous ai calé le tout nouveau son d'Autonose featuring Avicii. On aura du cadeau aussi pour vous, le tout nouveau Alcatel Pop 4. C'est le nouveau qui vient de sortir. Un cadeau de ouf, un téléphone, vous en avez peut-être besoin. Et bah ça tombe bien, on en a un, vous filez. On vous explique tout ça juste après Autonose sur Fun Radio. Welcome tout le monde. Step off the train at dawn, back in the place where I was born. And it's been 10 years since I've been gone. It took me 10 years to know I'm wrong. I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've said I have to do. I'm nothing without you, without you. I'm nothing at all. Until you know what life can buy. You know I hope the world's been kind. Hope you can see it in my eyes. That I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've said I have to do. I'm nothing without you, without you. I'm nothing at all. C'est le nouveau son d'Autonose avec Avicii sur Fun Radio et on continue avec Chris Cab et Youssoupha Badabing. Et ça fait bing badaboum. D'accord. Ça, excusez-moi, je craquais, c'est le début de la semaine. Hein. Foutez-moi la paix déjà, il faut que je me mette dans l'ambiance, d'accord. Et je sais pas vous, mais lundi, c'est toujours la galère. On devrait commencer le mercredi. Ouais, ce serait bien, ce serait trop bien. Parce que déjà le dimanche, t'es dégoûté de la live quand tu sais que le lendemain. Oh, c'est t'en profites c'est pas ton dimanche. Kiki, comme on dit. En plus, il y a un truc qui me saoule là depuis ce matin. Genre, je sais pas vous si hier soir vous avez regardé. Mais t'avais le choix entre deux choses. Ou regarder le football à la télé, ou regarder ce magnifique film qu'est celui-là. Mettez-vous dans l'ambiance. Oui. Time of my life. Ah, il y avait Dirty Dancing hier soir à la télé. C'était bien. Qu'est-ce que c'était bien. Alors, pour la honte, j'ai cherché sur toutes les chaînes. C'était sur quelle chaîne? Attends, zut, j'ai regardé sur TF1. Moi, je pense que j'ai regardé ça. Sur TF1? Attends, si je dis pas de bêtises. Bah non, il y avait le foot sur TF1. Non, ouais. Je te dis que j'ai regardé sur quelle chaîne. Non, c'était sur TF1, je suis sûre. Sur le truc. TF1? Et ouais. T'as pas regardé le foot alors? Non. Bah si, j'ai regardé juste si la France gagnait. Mais comme ils gagnaient pas et qu'en plus ils jouaient pas, la Suisse, ils faisaient genre semblant de pas jouer pour que gnagnagna, ça me saoulait. Donc, du coup, j'ai regardé Dirty Dancing, mais ça c'est beau ça. Oh là là là là, on laisse pas bébé dans un coin. D'accord. Vous aimez pas Dirty Dancing? Pas du tout. Comment te dire avec des mots gentils et simples? Moi je suis déjà réfractaire au romantisme. Hein. Oh, réfractaire? Mot contre s'il vous plaît. Mais tu parles bien. Mais c'est. Kitsch quoi, Dirty Dancing. Oh, mais c'est beau et tout quand ils sont dans le lac et qu'ils oui, s'entraînent à faire le porté. Ça lui saute dessus. Ouais. Ah, c'est trop bien. Mais quel est le but dans ta vie d'apprendre à danser, de faire des trucs avec ton mais mec quoi. Imagine, enfin, imaginez pas. Les filles de l'autre côté de la radio, vous rencontrez un Patrick Swayze quoi. Oh ouais, là là. C'est un gars qui met des pantalons noirs avec des Marcel et des Santiago. Ça met ça en quand même. Non, moi je le vois pas comme ça, tu vois, je le vois comme... Mais en plus c'est cool parce que c'est un amour impossible, tu vois. Ah et oui, ça c'est romantique. Oh, wow. Et puis badaboum, il se passe quand même c'est quelque chose. C'est un peu chose. Le bad boys et la fille gentille. Ouais, c'est ouais, vraiment vous ça. Vous toujours attiré par les bad boys. Ouais, hein. Et après vous venez pleurer chez votre meilleure copine. Ah, je comprends, my nina, my nina, qui est bad boy. Mais t'as voulu un bad boy, quoi. Mais Patrick Swayze, c'est pas juste un bad boy, tu vois. Parce que le gars a la classe quand même. C'est un bad boy qui danse. Ouais, il danse méga bien, quoi. Je rêverais un jour d'apprendre à faire le porté. D'ailleurs, on essayait quand on était à la cour de récré, mais ça marchait pas. Excuse-moi, c'est pas toi qui dois apprendre à faire le porté, c'est le mec qui doit faire de la muscu pour te porter. Mais ça va. Si on le fait, mais non, moi je termine. Ok, attends. Non, t'es folle, si on le fait, mais non, moi je termine comme le gars d'intouchable. On va faire une démonstration. Il faut de Minerve. Vas-y, Sandro, mets la musique qu'on se mette dans l'ambiance. Mais qui fait quoi? Moi je fais l'avion et toi tu fais le porté. Vas-y, viens, Fab. Allez. Moi je dois te porter. Mais t'es assez lourd pour me porter, toi. Vas-y, viens. Allez, on fait ça en direct dans l'émission. Tout va bien. Attention, c'est parti, mon kiki. Et Fab, rattrape-moi. Vas-y, Fab, imagine-toi, je suis bébé dans le fil et tu me rattrapes, d'accord? Allez, 1, 2, 3. Allez, Fab. Alors, comment vous dire, en fait, ça ne ressemble strictement à rien du tout. Mais strictement à rien. Moi j'ai trois vertèbres, j'ai un triple cheese de vertèbres. Oh. Maman, si t'écoutes l'émission, dis-moi c'est quoi ma mutuelle encore, il faut que je les appelle. On a franchement des idées à la con dans cette émission, tu m'as fait mal, hein, sérieux, franchement. Quoi? Je comprends pas, dans le film, Patrick Swayze il apporte en toute délicatesse. On mais oui, une mais t'as des mous de partout, où est-ce que tu veux que je mette les mains? C'est pas grave, je suis très frustrée, je le vis très mal. Excusez-moi, mais ça ne ressemblait à rien du non tout. Non? Ah, mais vraiment à rien du tout. Mais si on regarde de loin un peu. Ah, j'étais de loin. Ah ouais, brouille-le peut-être, mais l'embrouiller comme Canal+. T'as filmé, Sandro? Malheureusement, oui. Eh ben, on va vous mettre la vidéo sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. Vous allez voir le talent. Parce que Patrick Swayze à côté, c'est un petit kiki. Hein. Ah ouais, ça. Non, mais blague à part, c'est quoi votre film romantique préféré, celui que vous kiffez regarder? Fab, c'est lequel? Massacre à la tronçonneuse. C'est hyper romantique. Oh, pourquoi t'es toujours obligé de tout lâcher? Il aime tellement les filles qu'il fait des masques avec leur tête. Complètement malade ce mec. En plus, je suis sûre qu'il croit ce qu'il dit en fait, tu vois. Mais genre, oui, kéké c'est... du standard. Toi, t'es un romantique, je le sens. Moi, c'est Love Actually. Oh oui, oui, oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Avec la librairie, c'est voilà, ça? Voilà, il y a la librairie et il y a le président aussi, avec un mandat qui pète un câble sur la musique. Oh, c'est ouais. Qui tape sa secrétaire, quoi. Voilà aussi. Et il y a Titanic aussi. C'est pas romantique, il meurt à la fin. Là, là, là. Bah, c'est parce qu'il n'y a pas de place sur la planche. C'est ça, c'est l'histoire d'une égoïste, quoi. C'est pas romantique du tout, ton truc. Sandro, ton film romantique, celui que tu kiffes, c'est lequel? Moi, c'est Chemin Croisé, mais bon, c'est très récent. Chemin Croisé, qu'est-ce qu'il raconte encore celui-ci? Je crois que c'était Lilo et Stitch. Bon, allez, dites-moi, vous, c'était quoi? Ou alors, c'est quoi le film que vous adorez revoir? Celui qui vous fait des petits papillons dans le ventre? Un film romantique, allez-y. 30-44, on attend vos petits messages et pendant ce temps-là, on se fait Chris Cab et Youssoupha sur Fun.

Wesh ou quoi? Et ouais, et toute l'équipe de la Power aussi, hein. Il en oublie, hein, Chrisca, Billy Mignon, mais bon. On est avec vous jusqu'à 20h. Il y aura Georges aussi qui sera dans la place dans un instant. Il va nous dire c'est quoi son film romantique préféré. Il y aura le son de Jonas Blue aussi, côté son dance floor que je vous ai calé. On va se faire un petit Dimitri Vegas et Like Mike. Et pour ceux qui sont fans d'Ariana Grande, restez bien là parce qu'elle va arriver avec Into You. Petite coquine. Son... Mais ça va toi. Ça y est, sans plus. Hein. On dit Ariana Grande, monsieur a les petits poils qui s'érissent. Petite coquine, il n'y a pas que les poils. Oh. On se calme tout de suite. On a Georges qui est là, qui vient de je ne sais pas où, puisque je ne comprends pas l'écriture de mon stagiaire. Salut Georges. Salut, et c'est Nivelle. George. C'est Nivelle. C'est Nivelle. Ah, ce là. Tu viens d'où? Ouais, d'où? Dobel. Dobel. Ah, Dobel. Mais c'est où Obel? Ben c'est il y a Herbe, Eupen, Vivet, c'est entre. C'est un petit poids perdu quoi, mais c'est dans ces zones-là. C'est par là quoi. Dans la région de Liège. Jusque-là? Eh ben ouais. Vous avez l'électricité, internet? Mais enfin tout ça. C'est quoi ces clichés, je te avec jure? Avec de tri, le sirop de Liège et tout, c'est là que c'est fait. Ah, Berk, ça j'aime ah, pas classe. Ça. Ah non, ça ah, j'aime si, pas si. Ça. Ah si, si, si. Ah, ah non, si, non, si, non. Mais c'est dans les boulets liégeois. Ah oui, mais ça, non, alors comme ça, ça va. Parce que dans les boulets liégeois, ça je trouve ça très bon. Mais mon père, il faisait un truc un peu dégueu avec ça, genre il mettait ça sur une tartine. Bah ouais, tartine fromage, sirop de Liège. Now, Berk. Bon, Georges, c'est quoi toi ton film romantique préféré? Je me suis fait un délire hier avec Dirty Dancing, j'étais comme une folle. Toi, c'est quoi? Moi, c'est Ghost. Ah ouais. Ah ouais. Oh, c'est tellement romantique avec la petite musique du film. Sandro, mets-nous la petite musique. Oh, écoute ça, Georges, c'est pour toi. Oh, ça donne envie de pleurer, quoi. My darling. Mais c'est aussi Patrick Swayze dedans, non? Ouais, mais il meurt au début, c'est bien. Georges, ça va? Oui, ça va. Oh, continue, vas-y. Oh, mais tape la chansonnette, hein, fais comme chez toi, on est à la maison ici. Vas-y, on chante avec toi. 1, 2, 3. And I so strong. My darling. C'est bien que je suis à la médiacité ici, il y a tout le monde qui est en train de me regarder. J'adore. Ah là là, Georges, je peux te dire que tu chantes très bien. C'était un bel organe. On dirait un husky. Arrête de gâcher ce moment romantique entre Georges et l'équipe, Fab. Pardon. Ça va? Bah oui, là je suis. Il donne tout, hein. Non, Georges, calme-toi, s'il te plaît, il est un peu tôt quand même. Je te fais des gros bisous, Georges, merci de te passer à l'antenne en tout cas. Est-ce que je peux faire une petite dédicace en vitesse, s'il vous plaît? Bah oui, dis, vas-y. Hein. Je ferai une dédicace à la meute. Je t'avais dit. Eric et Benjamin, on fait des bisous à tout le monde. Merci bien. Salut Georges, bon shopping. Bisous bisous. Et on me dit quoi? Échec total. Haha, trop drôle. Il faut qu'il arrête de chanter. Bah dis donc, ça va. Il fait ce qu'il peut. La cité des anges et la musique est très belle aussi. Nos étoiles, au contraire, c'est génial. Allez, dites-moi, vous, c'était lequel votre film préféré? Celui qui vous fait des petits papillons dans le ventre. Un film romantique, genre, vous savez, quand vous avez un premier encart, et bah, par exemple, ce serait ce film-là que vous sortez parce que ça le fait grave, tu vois. Fab, tu sortirais lequel? Bah, Massacre à la tronçonneuse. Mais ça va pas, il sert à rien celui-là, je te jure. Par exemple, il y a Fredo qui nous dit Au-delà de nos rêves avec Robin Williams. Et bah ouais, ça, par exemple, c'est un super. Super film. Allez-y, 3044, on attend vos messages et pendant ce temps-là, c'est Jonas Blue sur Fun. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold. You to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize. Feeling this way. There's so much we can't explain.

And I don't like talking to strangers, so get the fuck off me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go apeshit. Say fuck y'all to all of y'all faces. It changes though now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous, but I love it, the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. I found how to cope with my angers. I'm swimming in money, swimming in liquor. My liver is muddy, but it's all good. I'm still sipping this bubbly. This shit is lovely, this shit ain't random. I didn't get lucky, made it right here cause I'm sick with it. Cuddy, they all take the money for granted, but don't wanna work for it. Tell me now, isn't it funny? Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. C'est le temps de repos dont a besoin votre cerveau tous les jours. Nous, c'est le temps qu'il nous faut pour le retourner dans tous les sens. Bienvenue dans l'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Le son Dance Floor continue sur Fun Radio avec Calvin Harris et Rihanna. Il y a aussi Pitbull juste après, ça fait longtemps. Ça fait plaisir que vous passiez la soirée avec nous là en mode Happy Hour. Si c'est la première fois que vous vous branchez sur Fun Radio, moi je m'appelle Audrey. Il y a Fab qui est là, il y a Sandro aussi. Eh, c'est moi. Et le kéké du standard. Oui. Et alors, ça me fait du bien d'avoir aussi une fille en plus dans l'équipe maintenant. On n'a pas encore vérifié. Hein. Ah bah c'est vrai. Mais bon, en tout cas, l'enveloppe, mais... l'enveloppe a l'air féminine. Il y a Alison maintenant, la nouvelle stagiaire. Ouais. Alison, bonjour. Non mais prends une voix un peu. Vas-y, vraiment. Prends une voix comment comme ça oh. Les garçons. Non mais on la connaît. On la connaît, Alison. Non, mais attends. Vas-y, commence un peu. On sait qu'il y a du décalage. Eh, mais ça va. Non, bah, sérieusement, moi, je, en toute objectivité, et souvent, en plus, les femmes, nous, on a tendance à bitcher les autres filles. Attends, attends, je ferme les yeux, refais-le. Ah, vas-y, attends, Alison, parle. Salut, Fab. Non, mais ça, ça fait un peu un monsieur. Ça fait un peu mec. C'est pas, ouais, ça. Voilà, c'est. Non, faut pas le tenir. Fais ta voix un peu normale. Ma voix. Bah, c'est ça, ma voix normale. Ouais. Ouais, c'est ma voix normale. Salut. Salut. Si toi aussi, tu cherches de la compagnie. Envoie un message 3615, code les filles de ta région. Non, mais blague à part, Alison, c'est un petit canon, hein, franchement. Brune, j'ai pas vu les yeux, c'est quelle couleur? C'est vert et brun. Les deux? Vert et brun. Ah, c'est très bien. T'es pas fait chier, non? Enfin, hey, on va vous mettre une photo d'Alison sur la page de l'émission, comme ça vous pourrez rêver aussi. Vous aurez la voix et vous aurez l'image. Voilà, vous allez sur Happy Hour avec Audrey et on s'occupe de tout. Mais vous êtes vraiment pas obligé, hein. C'est un conseil de d'amis, hein. Vraiment. Enfin, c'est un endroit, c'est pas cool. Mais enfin, il y a Amaury qui est là, qui vient de Chantilly de Audi. Bonjour Amaury, comment ça va? Ça va et vous? Eh ben ça va bien. Qu'est-ce que tu fais de beau, Amaury? Je suis au travail. Ah, tu et, bosses. Et tu j'espère qu'on m'écoute pas. Comment ça t'espère qu'on t'écoute pas? T'assumes pas d'être sur Fun Radio? Attention, Amaury. Hein. Non, mais il peut si, mais je suis en train de conduire. Ah, ah bah alors oui, effectivement. Lève les mains, ça ira tout seul. J'allais dire, est-ce que tu travailles au Cora de Châtelineau? Mais non, parce que là-bas, le Cora à Châtelineau, c'est quand même une institution, quoi. Ah ouais? Ah oui, moi je peux te le dire. Quand t'as rien à foutre, tu vas faire un tour au Cora de Châtelineau. On ira mercredi pour notre trip. Eh ben voilà, on ira manger une bonne pizza au Cora de Châtelineau et ça, ce sera génial. Bon, Amaury, on parle des films un peu romantiques. Hier soir, je me suis fait une petite soirée délire toute seule devant ma télé en train de regarder Dirty Dancing. Ça m'a rappelé des trucs, voilà. J'étais en plein kiff. Ah ouais, voilà. Ah là là, avec Patrice Swayze, bébé, tout ça, le porté dans le lac et machin. Je t'en passe. Toi, Amaury, c'est quoi ton film préféré, un film La Cité des Anges. Hein? La Cité des Anges. La Cité des Anges, avec Nicolas Cage. Je connais pas, moi, ça. Ah, Sarah McFarlane. C'est bien? Non, Sarah McLean, pas McFarlane. Ouais, enfin, hé, les gars, c'est un truc en haine, hein. Ça va, hein, fait pas le malin noir, hein. Ouais. Et c'est la musique du film, ça, le truc un Elle peu... Elle est magnifique, écoute sa voix. Oui. Attends, rêve, attends, rêve. On va écouter, je t'en se mets dans la Elle place. A une jolie voix. Et toi, Amaury. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Distraction, yeah. Oh yeah. Non mais ça c'est pas romantique, ça c'est triste. Mais tout ce qui est romantique est triste. Ouais, c'est vrai. Non mais du coup ça se passe bien quand même à la fin du film ou pas? Ouais, tout le monde meurt, tout le monde est content. Non voilà. Mais c'est un truc vraiment romantique, Amaury, ou pas? Oui, ça va. Ah, ça va, vous êtes... belle histoire. T'as quand même pas l'air sûr, Amaury, hein, mais bah, j'ai jamais vu le film. Bah, tu sais quoi, je vais regarder ça ce soir. Je vais faire une petite soirée romantique. Bonne chose. Amaury, merci beaucoup pour ton message. Je te fais des gros bisous. Merci. Et attention sur la route, hein, fais gaffe, d'accord? Oui, y'a pas de problème. Merci, oui, maman, on dit bisous, bisous. Allez, on va écouter Calvin Harris et Rihanna dans un instant. Ce sera juste après les infos de Carlo. Fun Radio. Et on saura aussi qui va repartir avec son Alcatel Pop 3. Si vous essayez de le choper, vous envoyez Pop, P-O-P par SMS au 6322. Tirage au sort, juste après l'actu maintenant avec Carlo Morello. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Je vous parlais à 17h de ce à quoi il fallait s'attendre cette semaine dans l'actu. Hein, mais j'avais pas parlé des grèves et des manifs, vu que ça fait l'actu bah, chaque semaine depuis un bon moment. Ce lundi, par exemple, nous avons le Hainaut qui a été touché par la grève tournante dans les services publics avec des sittings devant les sièges des partis politiques et une action de blocage de l'économie régionale. C'est le dépôt de carburant de Feluy, le plan incliné de Ronquière et l'écluse d'Avray se sont retrouvés à l'arrêt. Je rappelle que l'objectif de la FGTB est de dire non aux mesures du gouvernement fédéral qualifiées d'antisociales. Et puis en matière de manif, la CSC et le CIRE, Coordination et Initiative pour Réfugiés et Étrangers, ont mené une action ce matin devant l'Office des étrangers à Bruxelles. Pourquoi? Eh bien parce que 10 000 places d'accueil vont être fermées dans les centres faits d'asile du pays. Le gouvernement estimant qu'à l'avenir, il y aura beaucoup moins de candidats réfugiés. Il se base en fait sur les chiffres de ces deux derniers mois pour faire cette estimation. Mais pour les travailleurs concernés, c'est complètement stupide, vu qu'on sait très bien que le nombre de migrants qui se pointent chez nous peut fortement fluctuer d'un mois à l'autre. Ça s'est déjà vu et ça se verrait encore, si bien que tous les 6 mois, ben, on change de plan, sans concertation, ça va de soi. Donc on ferme des centres, puis on en ouvre d'autres, c'est n'importe quoi. En plus, fermer 10 000 places d'accueil, ça veut dire aussi que 1 000 personnes vont perdre leur job sur l'ensemble du réseau, ce qui est qualifié de tsunami social. Des pertes d'emplois donc pour les travailleurs sociaux. Par contre, des jobs, on va en créer dans l'enseignement bruxellois fatalement, puisqu'on estime que d'ici 2020, il y aura 24 000 élèves en plus en primaire et en secondaire. Comme quoi, la dénatalité ne concerne pas vraiment notre capitale. 24 000 élèves supplémentaires, ça veut dire qu'il va falloir créer de nouvelles écoles, mais aussi forcément de nouveaux postes d'enseignants. Le tout étant de savoir combien. La revue scientifique électronique Brussels Studies a tenté de répondre à la question. Et selon le cas de figure envisagé, ce serait entre un peu moins de 500 et un peu plus de 2000 profs. Le chiffre le plus réaliste se situant probablement entre les deux. On pourrait par exemple réduire les besoins en professeurs en limitant le redoublement et la réorientation vers le technique ou le professionnel plus gourmand en matière d'encadrement. Enfin, l'Euro 2016 de football après l'épilogue dans le groupe A. On disputera ce soir les dernières rencontres dans le groupe B. C'est bien, on suit l'alphabet, c'est plus pratique comme ça. Un groupe à suspense, hein, puisque tout peut encore se passer, ou presque. Ainsi, l'Angleterre, qui est en tête, pourrait très bien être éliminée en cas de défaite ce soir face à la Slovaquie, couplée avec une victoire du Pays de Galles contre la Russie. Notez que si l'Angleterre se retrouve troisième avec 4 points, on la voit mal ne pas passer, hein, quand même. De l'autre côté, les Russes, qui sont derniers, peuvent encore terminer deuxième. Donc vraiment, tout est possible. Hein, Angleterre, Slovaquie et Pays de Galles-Russie. C'est ce soir à 21h. Ah bah, les deux derniers matchs du groupe se jouent en même temps pour éviter les petits calculs en fonction du score de l'autre rencontre. En l'occurrence, ça se justifie tout à fait. Fun. Fun Radio. Gym Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Ouais, enfin, lâchez-vous, mais lâchez-vous pas trop quand même. Ça serait vraiment pas cool pour les gens qui sont dans la voiture. Bon, on va vous filer un Alcatel Pop 4. C'est le nouveau téléphone de chez Alcatel. C'est une petite tuerie. Si vous voulez repartir avec, bah, vous envoyez Pop, P-O-P, par SMS au 6322. On se fait un petit tirage au sort juste après le son de Calvin Harris et Rihanna qui arrive. Et puis d'abord, hey, attention, la météo, Carlo. Avec une bonne nouvelle, 20-21 degrés demain. Cool. Mais c'est la seule bonne nouvelle. Hein, bah, c'est déjà les ça. Les nuages sont toujours là, quelques petites averses. Rien à voir avec ce qu'on aura connu aujourd'hui, cela dit. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Calvin Harris et Rihanna. Salut. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Jérémy avait fait appel à l'Happy Hour. Il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro. Celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Si vous venez de vous brancher, c'est Benny Benassi qui arrive avec Chris Brown, Paradise. Eh, c'est pas le paradis ici sur Fun Radio, franchement. Oh, on est pas bien là, sérieux. Il y aura aussi Pitbull avec quoi? Oh, je me souviens plus de celui-là, c'est lequel ça? I know you want me. T'as pas un petit extrait parce que comme ça on voit pas bien. Tu dis que je chante mal, c'est ça? Laisse faire les professionnels. Ah ouais. T'arrives ça dans quelques minutes, c'est bien ça, Pitbull. Il y avait même la chorégraphie. Ouais, enfin, moi, je me souviens surtout des meufs dans son clip. Oh, il a toujours de ses meufs dans je son clip. Je sais pas où il les achète, mais il y a pas de magasin comme ça ici. Ça va, les machos, non mais oh, ça va. Vous avez vu qu'au Japon, tu peux acheter des femmes qui font les Barbie, en gros. Ah ouais, c'est un distributeur à femmes. Qu'on me réserve un billet tout de suite. Fab, quoi, je te jure. Mais toi, t'es tout ce qu'il y a de pire tu chez mets un mec. Pièce, tu tournes et t'as une meuf qui tombe. tu sais que t'es quand même casé, quoi. Tu sais, ça fait de combien de temps maintenant? 6 mois, tu dois être avec là. 6 mois plus ou moins. Excusez-moi. Tu fais genre. Attends, parce qu'il fait son lover, machin et tout. Et puis après, dès que je lui dis qu'il y a un distributeur à meuf, le mec il est là, quoi. Il a déjà la pièce. Ouais, mais il a raison. Pas, quoi. Mais pourquoi il a raison? Et question. Ouais. Si la meuf nous plaît pas, ouais, on peut changer avec le ticket ou pas? C'est horrible. Non, j'aurais jamais dû les lancer sur ce sujet. Dommage. Seconde moins, pas un BE. Tu sors. Non, allez. Non, à un moment donné, merde. Je suis gentil avec toi, mais là, mais tu déconnes. Après, il faut se renseigner si on peut les transporter du Japon. Tu vas faire un tour. Tu vas réfléchir sur ce que tu viens de dire. Vous savez, c'était genre les punitions qu'on avait à l'école. Genre, tu vas faire un tour, tu réfléchis à ce que tu viens de faire et on verra si t'as compris que c'était pas bien. Fallait jamais nous dire ça parce qu'on allait tous faire le tour de l'école. T'as jamais eu ça? Ah, si, moi j'ai déjà fait, ouais. Tu fais un tour, ok, je fais un tour sur moi-même. Ah, c'est drôle ça, dis donc. L'arrogante. Bon, alors, on fait sonner, c'est bon? Parce qu'on parle là, mais on fait comme si on était dans notre salon. Mais on va peut-être maintenant appeler quelqu'un qui a envoyé Pop, P-O-P, par SMS au 6322 et qui voudrait bien repartir avec son Alcatel Pop 4. C'est le tout nouveau qui vient de sortir. Téléphone tactile avec écran. Alors, je vais vous lire les caractéristiques pour faire la professionnelle. Appareil de 8 mégapixels pour des photos de qualité. Lecteur MP3 intégré. Il y a même la FM radio, vous allez pouvoir écouter l'émission. Oui, bonjour, qui est là? Oui, bonjour. Ah, comment tu t'appelles? Allô? C'est quoi ton petit nom? Christophe, tu viens d'où? Tu as quel âge? Villevorde, 42 ans. Alors, Cri-Cri, est-ce que ça te ferait plaisir de repartir avec ton Alcatel Pop 4? Oui, j'aimerais bien. C'est gagné. Bravo, Cri-Cri. Félicitations. Merci, Audrey. Hey, t'es le premier gagnant de la semaine quand même, hein? Ah, c'est génial. Eh ben voilà, ça me fait plaisir. T'avais besoin d'un téléphone? Mais ça me fait plaisir aussi, oui. C'était un peu cassé le mien. Ah bah voilà, et bah, ah bah, ça tombe bien, Cri-Cri, du coup. Eh bah tu raccroches pas, on va prendre toutes tes coordonnées et on va t'envoyer très vite ton Alcatel Pop 4, d'accord? Ah génial, super, merci Audrey. Gros bisous, Cri-Cri. Merci, et tu restes à l'écoute de la Piawar, hein, d'accord? Pas de problème. Gros bisous, mon Cri-Cri, félicitations. Bisous. On t'aime. Hein. Oui, on t'aime. Bisous. Si toi aussi tu veux repartir, si vous aussi, tout l'autre côté de la radio, tout le monde. Toi, et toi aussi, au volant, on te voit. Si vous voulez repartir avec un Alcatel Pop 4, bah comme Cri-Cri, c'est possible. Il suffit d'envoyer Pop, P-O-P, par SMS au 6322 et avant la fin de l'émission, c'est promis, on refera un tirage au sort. Question. Ouais. Est-ce qu'on laisse Fab pendant toute l'émission dehors ou pas? Parce qu'au final, on est bien là. Bah tu trouvais pas qu'on passait un bon moment là? Je trouve aussi. En plus, il y a plus de place parce que franchement, Fab, il y a pas à dire, mais à un moment donné. On sera un peu serré. Ouais, tu vois, c'est un peu comme le gars quand il est à côté de toi sur le banc, tu fais une ligne quoi. Faut pas dépasser, t'as compris? I know you want me, you know I want you.

Il y a Georges qui a gagné l'Alcatel Pop 4 là, il y a un instant sur Fun Radio, qui me dit s'il te plaît Audrey, j'ai pas eu le temps de faire une dédicace à ma copine, si tu savais dire que j'aime Sarah ma patate. Ok. Ma patate. Sa copine s'appelle pas Sarah. Comment ça? Ce serait drôle. Comment? T'imagines qu'on se gourre, qu'il fasse une dédicace à quelqu'un d'autre. Mais si Sarah, mais il l'appelle ma patate. Ah oui d'accord. Sarah si la patate. Enfin Sarah la patate. Oh tu vois. Non Sarah la touffe. Oh non. Georges, voilà, le message il est passé. Si ton amoureux Sarah l'écoute, eh ben sache que tu as la chance d'avoir un homme qui t'aime, Sarah. Reste bien avec lui, ils sont rares, je peux te le dire. Et pas de chance pour nous, ça a raccroché. Ah, mais il a osé le faire, c'est. Voilà. T'as de la chance que c'est toi qui pousse sur les boutons, parce que sinon je t'aurais dit de sortir. Mais si tu sors, il n'y a plus d'émission. Donc cool, voilà, pouvoir. Tu vas rester encore un petit peu avec nous. Bon, allez, dans un instant, on va sortir le son de Face avec Afrojack. Je vous ai calé aussi le tout nouveau Willy Williams, c'est la première fois qu'on vous le passe dans l'émission, avec Chris Pape. Chris Pape. C'est pas un pape, ça, je peux vous le dire, mais ça arrive juste après le coup de pouce. Si la petite maison dans la prairie avait appelé l'Happy Hour pour le coup de pouce, ils auraient pu revendre leur maison à un bon prix et acheter un bel appartement en plein centre-ville. Mais bon, comme ils l'ont pas fait, ils continueront à habiter dans les champs. Bien fait. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. En même temps, c'est pas tout à fait juste, hein, parce que habiter à la campagne, ça coûte plus cher maintenant qu'habiter à la ville. Hein. À fond. Et là, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, hein, monsieur. Non, mais sérieusement, blague à part, le coup de pouce, c'est tous les jours dans l'émission, on est là, on vous aide. Voilà, vous avez n'importe quel problème. Vous venez nous en parler sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey sur Facebook et puis nous bah on s'en charge. On règle ça. On a déjà des trouvé contacts, du boulot, on a déjà trouvé une maison pour quelqu'un, on a déjà trouvé des babysitteuses, on est amoureux. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait plein de choses, hein. On essaye de vous aider dans l'émission, c'est pas juste qu'on fait de la déconne hein, sur Fun Radio. D'ailleurs on a Rodolphe qui a du boulot à vous proposer. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Wow, ça va bien? Ça va très très bien. Oh, Rodolphe, tu as l'air sérieux. Waouh. Ouais, mais j'ai l'air. C'est simplement une impression. C'est une carapace. Ah, tu bah me oui. protèges. Je suis un homme sensible. Tu as raison, Rodolphe. Pourquoi tu mets une musique comme ça, toi? Rodolphe. Comment va la choucroute? Non, c'est interdit les blagues là-dessus. Nine. Pas faire des blagues sur Adolphe. C'est non. Dans le règlement. On a interdit. Arrête. Ça partait pourtant bien. Je sais pas. Pourquoi est-ce que dans cette émission ça doit toujours partir en cacahuète quoi? C'est pas possible ça. Je croyais que le premier à être envoyé ça allait être moi. Mais non, ce sera Sandro en fait. J'ai parlé de choucroute. Bon allez, on se calme. Rodolphe, si tu es là, c'est pas pour parler de choucroute, c'est parce que tu as du taf à proposer à nos auditeurs. Vas-y, on t'écoute. Tout à fait, exactement. Alors nous avons des salons de coiffure et nous sommes spécialisés dans les salons de coiffure pour hommes, notamment. Les salons barbiers, nous recherchons des barbiers, qui est un métier en pleine expansion, et on recherche des barbiers sympas pour une ouverture de nouveaux concepts. Donc voilà, si vous êtes barbier, si vous êtes dynamique, si vous aimez la coiffure pour hommes, si vous souhaitez vous lancer dans un nouveau métier, bien on engage. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de barbus, hein. Il y a un créneau à prendre. Exactement. Là, bien vu. Non mais, qu'il est mignon. Alors on fait beaucoup d'events, on fait des événements, donc c'est un métier qui est très sympa parce que justement le côté un petit peu... différent et ce côté vintage nous fait participer à pas mal d'événements, donc ça permet aux jeunes qui trouvent un boulot d'être variés en salon, des événements, dans les bars, les concerts. On va faire Wester bientôt, c'est cool, ça. Donc c'est vraiment très très sympa et voilà, c'est un chouette boulot et on engage. Rodolphe, petite question, est-ce qu'il y a des diplômes à avoir pour faire barbier ou pas du tout? Alors malheureusement le métier de barbier il n'est pas vraiment réglementé, c'est un métier forcément qui revient. Avant ça faisait partie du programme des coiffeurs pour hommes de la coiffure. Mais maintenant effectivement comme c'est un petit peu écarté du métier, mais ça revient. Donc il n'y a pas vraiment de diplôme. Par contre, il commence à y avoir des formations de plus en plus structurées et je suis d'ailleurs formateur officiel à l'IFAPME pour tous ceux qui veulent se former à ce métier. Eh bah, c'est génial ça. Et attends, Rodolphe, voilà, moi j'ai une petite question par rapport du coup au barbier que tu cherches. C'est pour un contrat ou alors c'est des remplacements, c'est de l'intérim? Bien comment sûr. Ça se passe? Non. Alors c'est pour un contrat CDI ou CDD. Et barbier, il faut savoir que c'est un métier qui est bien payé parce que il y a aussi des pourboires. Il y a du taf. Ah bah ouais. Voilà, exactement, il y a beaucoup de boulot.

the ocean just to find a piece of your heart. I can barely sleep. Why won't you come to me? I want you to stay. Parce que moi je me balade en paix. Je me balade en paix. Je me balade en paix. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Tu vois, franchement, quand t'es Willy William ou genre quand t'es une star, c'est la classe. Tu peux faire une chanson pour dire « Je me balade dans Paris ». Eh ben, moi, je vais faire une chanson « Je me balade à Charleroi ». C'est une chanson triste. Il y a l'idée un peu. Vous en avez pensé quoi du nouveau son de Willy William? 30-44 pour vos messages, c'est le son de Pep & Wesh que je vous ai calé pour la suite. Il y aura aussi Fifth Harmony. Tout ça, ça arrive juste après le jeu du magicien, hein, maintenant, sur Fun Radio, et c'est Fab qui s'y colle. Oh! Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que je viens de dire? Tu as trahi le secret. Tu as révélé l'identité du magicien. Je prends un accent de merde depuis le mois de juillet pour faire un personnage et toi tu me... C'est ridicule, Audrey. Ah non, mais là, attends, on va faire un truc. On fait comme si personne n'avait entendu quoi que ce soit. Et là maintenant, c'est le jeu du magicien. On se demande qui c'est. Oh là là. Attention, mesdames et messieurs, faites place au beau, au grand, au plus pressé des magiciens. Je vous demande d'applaudir Chut d'Orange Pressé. Ouais. Merci, merci. Bonjour. Ça fait longtemps que j'étais pas venu. Non, bah ouais. Ça vous fait plaisir d'être là? Si, je croyais que vous m'aviez viré, mais après, je vois non. Ah bah non. C'est bien, c'est gentil. Eh bah non, il y a Isa qui dit super le nouveau son là de Willy William. C'était une tuerie. Il fait les Wincars de Paris et empêchait le chanter. Ah, ça c'est pas. Ça c'est Arnaud de Sprimont qui nous dit ça. Et alors, on a un petit message spécial dédicace. Oh, des petits messages de lovers. C'est mignon ça. On me dit, je voudrais faire un gros big up à ma femme Virginie. Ça fait 1 an et 11 mois qu'on est ensemble. Je l'aime. Avec notre fille de 5 mois, Emilia. Je vous fais des gros bisous, mes petites mousses au chocolat. À un moment donné, il faut arrêter de prendre de la drogue. Bon, hey, vous savez quoi? Si vous voulez faire des petits big up en mode lover, faites-vous plaisir, je vais tous les lire. Vous les envoyez au 3044 et pendant cela, on va accueillir Grégory qui vient de Virouin-Val. Mais qu'est-ce que c'est que ce village? Salut Grégory! Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Toi, tu es certainement comptable. Qu'est-ce que tu fais comme boulot, Grégory? Je suis grimpeur et lagueur. Hein? Grimpeur et lagueur. Bonjour. Eh bien, c'est un bien beau mot pour dire je ne sais pas quoi. J'ai les méchés et monte sur les arbres pour couper les arbres. Ah, c'est mais ça à hauteur. Voilà. Et comment on appelle ça? Grimpeur et lagueur. Grimpeur et lagueur. Et ben regarde, voilà. Moi, je suis grimpeur et blagueur. Bon, Grégory, tu vas affronter le plus grand de tous les magiciens de toutes les radios. Et en même temps, il n'y en a qu'un. Donc, c'est pas difficile. Tu vas devoir essayer de deviner si l'habit du magicien est à gauche. Peut-être que l'habit du magicien sera au milieu. Peut-être même que l'habit du magicien sera... Personne ne suit. À droite. Ah, à merci. Droite. Heureusement que tu étais là, Grégory. Mais voilà. Il y a trop de suspense. Aujourd'hui, c'est un jeu très spécial. Ah. C'est parce que les magiciens ne savaient pas qu'ils devaient venir. Alors, c'est pas un bruit qu'il a pris avec. Je vais le faire avec un Oreo. C'est une vanne. J'espère que l'Oreo ne va pas se cacher. Parce qu'après, je vais manger les restes de l'Oreo. Vous ne voyez pas hein, de l'autre côté de la radio. Parce qu'évidemment, c'est de la radio. Il n'y a pas d'image. Mais en gros, c'est vrai que d'habitude, le magicien, il vient avec une bille, avec un chapeau. Enfin, il est équipé, quoi. Et là, il est venu en mode. J'ai pris un Oreo. Mais ouais, il a pris un Oreo, le biscuit, à la place de la bille. Donc on va voir si ça donne la même chose. Grégory, est-ce que tu te sens prêt? Oui, moi je suis prêt. Bah, allez, 3, 2, 1, c'est parti une fois. Bon, c'est parti Grégory, concentre-toi, la bille elle est tout à fait à gauche. C'est parti, je fais un déplacement à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à droite. Et deux à gauche, et après j'ai fait un droite, et encore un droite, et là tu crois que je m'arrête, mais c'est reparti, j'ai fait un à gauche, un droite, deux à gauche, un droite, à gauche, et après je m'arrête. Stop, dis-moi où elle est la bille. C'est impossible. Elle est où la bille, Grégory, à ton avis? Au milieu. Au milieu. Et non, la bille elle était tout à fait à gauche, c'est perdu, et moi je mange l'Oreo, merci. Ce mec est malade. Bah, Grégory, du coup, désolé, l'Oreo, parce que c'est pas la bille pour le coup, mais l'Oreo était à gauche. Mais tu sais quoi, tu repars avec un autocollant Fun Radio, c'est cadeau, c'est pour moi. Tu repars avec un boîte d'Oreo. Grégory, j'espère que ça te fait plaisir au moins. Eh, Chichi, tu chantes la joie dans sa voix là. Dis, un autocollant Fun Radio, c'est collector, hein, monsieur. Ça va? D'accord, je vais le garder, le mettre sur ma voiture en grand. Bah voilà, c'est parfait, voilà une bonne idée. Grégory, je te fais des gros bisous en tout cas, t'es super sympa. Allez, passez une bonne soirée. Hein. Allez, je ne reviendrai plus jamais. Allez, dégoûté. Merci, hein. Bisous, Grégory. On va se faire le son de Pep & Rush là maintenant, comme promis sur Fun Radio. Fifth Harmony, c'est ce qui suit. Et alors, je vous rappelle qu'on est à la recherche d'un barbier avec un contrat à la clé. Si ça vous intéresse, allez-y, vous envoyez job par SMS au 3044 et on vous prend à l'antenne juste après. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Et 25 mai, là, n'oublie pas, Athénée Royal Verdi, tu peux passer devant, on se fera un coucou quand on sera. Et tu peux aussi passer derrière. Tous les soirs, dès 20h, c'est libre antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun. Cette semaine, chez Lidl, 30% de réduction sur les côtes de porc au Spiring, soit 3,99€ le kilo. Cuisinez cette bonne viande à vos enfants maintenant. Parce qu'après le match des Belges, la seule viande de porc qu'ils mangeront, c'est l'espèce de tranche de bacon dans le cheeseburger. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Le vendredi 24 juin, les Coca-Cola Summer Movies sont de retour. Durant toute la journée, venez profiter entre amis des meilleurs films de l'été, de surprises et de 4 avant-premières exclusives avec notamment Camping 3 et Insaisissable 2 en avant-première événementielle un mois avant sa sortie. Vendredi 24 juin, le Coca-Cola Summer Movies dans un cinéma près de chez vous. Fun. Audrey, Sandro et Fab, les trois mousquetaires de la radio. Un pour tous et tous à l'écoute. Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. But you gotta put in work, work, work, work, work, work, work. work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it in motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're on peut pas dire que ce soit ça, mais heureusement Carlo des infos nous a dit mercredi et jeudi le soleil sera de retour. On va se mettre déjà dans l'ambiance avec Enrique Iglesias sur Fun Radio. Dolel Colason, il y aura aussi Cachemire avec Wildcard dans un instant, et puis on était en plein coup de pouce là dans l'émission parce qu'on en recherche d'un barbier de spa pour aller travailler. Moi, avec j'en cherche un pour Rodolphe. S'occuper de ma barbe. Et eh ben oui, eh ben j'allais justement dire qu'il était temps que tu t'y mettes, hein, mon vieux, parce que là, comment c'est pas beau du tout. Hein, il pourrait s'entraîner sur moi, en fait. En fait, je sais pas ce qu'il y a pour le moment, mais je remarque que les mecs, je sais pas, pour le moment, vous êtes très barbe. Ouais, c'est la mode. C'est l'envers de la mode. Sauf que toi, Fab, c'est pas tout à fait une barbe. C'est quelque chose qui s'apparente à une barbe, mais c'est beaucoup trop long pour être une barbe. Il faut la tailler, tu vois. Il faut que quelqu'un pour me le faire. Ah, tu le fais pas toi-même? Ah bah non, sinon ça va être un peu. J'ai peut-être un plan pour lui, tu vois, le mec. Non, mais c'est toi qui parles, t'as même pas de poils. Mais c'est normal. Il est trop jeune, le minou, c'est pour j'ai ça. J'ai pas l'âge pour avoir des poils. Oh, c'est mignon de tout moi, je mets encore du talc sur mes fesses. Oh, wow. Tu vois Je peux t'en mettre un jour. Avec plaisir. Vous devenez bizarre, les gars. Gentiment proposé. Tous les deux. C'est juste du talc, hein. Bon, les gars, arrêtez de vous faire des films. Personne ne mettra de talc à personne ici dans cette pièce. On a Joël qui est là, qui est intéressé par le poste de barbier. Bonjour, Joël. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Ah bah ça va. Qu'est-ce que tu fais, Joël? Là, je suis en route, je suis dans les bouchons. Dans les bouchons? Oh non, il y a des bouchons ou ça? Ah oui, au tunnel Léopold 2. Hein? C'est à Bruxelles, ça, au tunnel Léopold 2. Ah, j'ai pas compris, j'ai compris où tu m'as déposé. Bah, j'étais pas déposé, moi. Bon, Joël, t'as de l'expérience, toi, en tant que barbier, ou alors tu voudrais apprendre? Oui, j'ai une expérience. Ouais, t'as déjà bossé dans un... Comment on dit? Un barbershop. Ouais, un barbershop. Depuis 98. Ah bah voilà, et bah ce serait nickel. Tu sais quoi, Joël, je vais te filer les coordonnées de Rodolphe hors antenne, et puis comme ça tu pourras discuter avec lui et essayer d'arranger un rencard. Enfin, non pas un rencard, après ils font ce qu'ils veulent. Un entretien, c'est ça que je voulais dire. Oh là là, mais non, ça y est, j'aurais jamais dû dire ça. Vous me fatiguez. J'aime la barbe. Oh, oui, Rodolphe, j'aime. Heureusement la que la fin de la saison, c'est dans 2 semaines. Ah oui, dans ouais, 2 semaines. Mais je vois pas où est ton problème. Ah bah ouais, merci Joël. Bon, Joël, tu raccroches pas, on va prendre tes coordonnées et les filer à Rodolphe, tout ça. D'accord? Ok, ça va, là, comment tu vois. Ah, Rodolphe! Avec non, une petite choucroute. Mais non, laisse-le tranquille. Tu vas aller faire connaissance. Arrête. Mais c'est pour. En plus, c'est quoi le rapport? Je crois que je suis un peu fatiguée, mais c'est lundi, mais je vois pas. C'est quoi, Rodolphe et ça? Je crois le rapport. C'est allemand. C'est allemand. Rodolphe, c'est allemand. Bah oui, c'est allemand. Bah, ouais, c'est... Vous êtes sûr de ça? Ah, tu rajoutes un mot, c'est espagnol. Hein, parce que moi, j'ai. Non, mais. Rodolphe, comme ça, là, c'est la Bavière, ouais. Hein, la ligne de la Forêt Noire. Tu rajoutes un O. Rodolfo, c'est. Eh, hey, Barcelona, ya, ya, ven aquí. Mais attends, moi, j'ai un cousin qui s'appelle Rodolphe et il est belge de chez Belge, quoi. Il n'y a pas, de... y a pas ouais, d'origine bah, de quoi que ce soit. On est à côté en même temps de l'Allemagne. Hein. Oh, c'est ça. Oui, c'est comme on est à côté d'où t'as dit tout à l'heure, genre Charleroi et Morlanway, c'est pareil, quoi. Bah non, mais Fab et la géographie, on est au top, hein, sérieusement. Hein. Non, mais vraiment. Regarde sur ton Google Images. Tu vas voir qu'on image. A une frontière qui touche l'Allemagne. Mais regardez quand Fab essaye de parler de technologie. Mais regarde une fois sur Google Images si tu ne vois pas que Morlanway c'est près de Charleroi. T'as de la chance que j'allais chercher un atlas. Fieu, oui. C'est pas Google Images, c'est Google Maps. Mais c'est pas oui, grave. Pardon. Oh là là là là. Ce mec ne sert à rien. On va écouter Enrique Iglesias et j'ai envie qu'on se fasse un petit délire dans l'émission. Comme c'est lundi, on se ferait pas un petit blind test? Ouais. Ouais, ça va être bien. Qui veut venir jouer avec nous? Vous envoyez blind par SMS au 3044, on vous attend. Quick. Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick? Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Déroulés. Ouais, enfin on dit des wraps. Ah oui, des wraps. Alors, il y en a un grand, poulet pané et cheddar sauce Giant. Ah, Giant comme le burger? Oui. Oh. Et un petit wrap sauce tomato sweet onion. On peut prendre les deux? Gourmande. Quick, le goût d'en faire plus. Quick. C'est moi, Hip. Nos diables rouges vont faire suer les Suédois. Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les diables rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10%. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Addict, le nouveau titre de Jepsar avec Liam Summers et Natel. Addict, le nouveau single de Jepsar, le son de l'été. Maintenant disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne et les services streaming. Yes, the best radio. My station. Fun Radio. Oh yeah, yeah. We started out being friends. I had my girl and you had him. Would have known where it'd end. Cause I'm holding you back in the middle of the night and we just ended up making. We both waited weathered the storm. Could have cheated but knew that'd be wrong. Even though close. Just to get you out of my mind, not that I'm doing time. If I slip, to commit a crime. More than just a feeling, this is more than just a crush. This ain't some romantic gesture. This right here is called real love. And nothing really matters as long as there's you and me. There's a sign. I'm letting go. No, I found nothing like this, like this. I found nothing like this. I'm with you. Life is simple, cause girl, you're the truth. All alone, I was here for you. When until the time was right, give me the dream that I show you, girl, what you've been missing. More than just a feeling, this is more than just a crush. This is a romantic gesture, this right here is called real love. And nothing really matters, as long as there's you and me, there's us. And I am letting go. I found nothing like this. I found nothing like this, like this. I found nothing like this, like this. No, I found nothing quite like this. All the mothers that were just a waste of time, cause nothing can compare to when I'm with you. Oh baby, yeah. Life can be so unpredictable sometimes. Gotta be ready to read between the lines too. You feel me? More than just a feeling, this is more than just a crush. This ain't some romantic gesture, this right here is called real love. And nothing really matters as long as there's you and me. There's a sign. Like this, like this. No, I ain't found nothing quite like this. Hour tous les jours sur Fun Radio. De 17h à 20h. La seule émission radio que même les sourds écoutent. Fun. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Quiero acabar ese sufrimiento. J'adore sa voix, ce mec. Que te fait llorar. Ouais, j'adore. Salut Enrique Iglesias. Et bah ça c'est Cachemire, c'est bien aussi, c'est un autre genre, c'est Wildcard qui arrive sur Fun Radio. J'espère que... J'espère que voilà. Et soyez indulgents les gars, c'est lundi, c'est le début de la semaine. Je sais pas, moi j'ai toujours du mal. T'es encore dans ton week-end, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je... Moi, je suis un peu comme un moteur diesel, tu vois. Faut le temps de préchauffer le bazar et après ça se passe. Parle pas bagnole. Tu rigoles ou quoi? Je m'y connais super bien en voiture. Ah ouais, ouais. Même qu'un jour, j'ai tapé de l'huile de moteur à la place du liquide de lave-glace, c'était génial. Ah bah oui, je connais super bien en bagnole, la preuve. C'était une catastrophe. Genre, vous avez jamais fait une connerie avec la voiture? Sérieusement, Fab? Jamais. Et moi, j'ai niqué un moteur un jour. Ah bah monsieur parle de non, moi. Non mais attends, il y a un litige. Je suis actuellement toujours en litige avec la compagnie. Depuis quand c'est moi qui dois mettre l'huile dans le moteur? Depuis comment c'est moi qui dois mettre l'huile dans le moteur? Évidemment que c'est toi qui dois le faire. Pop, la voiture sortait de l'entretien. Eh ben... Je te dépose ma caisse pour l'entretien, tu mets l'huile dedans. Étant une fille de garagiste, je peux te dire que... Tu me fais penser au gars là. Déjà tu commences à chercher des excuses, je le sens dans ta voix. Non, ce n'est pas une excuse, mais il y a peut-être une explication. C'est-à-dire que tu as plusieurs niveaux de... Comment t'as appelé ça? D'entretien. Tu peux choisir le gros entretien. Qui inclut du coup le remplissage de l'huile, plein de choses, voilà. Et ou pas le petit entretien. Non, c'est un gros, enfin, ouais, là, il fait la totale quoi, tu vois. Ouais, mais est-ce que tu l'as vraiment précisé? Mais bien sûr, mais... Ouais. Mais voilà, après j'ai coulé une bielle, il m'a dit. Une quoi? Il m'a dit t'as coulé une bielle. Une bielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais un moteur avec un turbo et donc ça fait péter le turbo et le moteur. Super. Donc il a dû changer le moteur. Bon, et s'il y a quelqu'un de l'autre côté de la radio qui est un spécialiste en mécanique, dites-moi, mais je pense que je dis pas de conneries, je pense que vraiment il y a plusieurs entretiens possibles et tout, 30-44 pour vos messages. Et sûr que t'as été faire l'entretien chez un garagiste? Agréé en plus, dans le garage où j'ai acheté la caisse. Oh, d'accord, parce que je t'avais vu autre part, mais bon, c'est pas grave. Où ça? Avec des demoiselles. Oh, qui c'est qui s'est fait chiffonner le siphon? Allez, entretien, entretien, à un moment donné. Bon, allez, ça suffit. Dire, hein. Ça part en cacahuète encore une fois. On avait dit qu'on allait se faire un petit blind test avant les infos de Carlo. Oui. Alors, on va se faire un petit blind test avant les infos de Carlo. On a Jérémy qui est là, qui vient de Zélic. Salut Jérémy. Salut tout le monde. Ça va bien Jérémy? Mais ça va bien et vous? Bah super, ça se passe la life? Bah ça se passe très bien. Ouais. Le boulot est fini, c'est la fin de la journée, c'est parfait. Eh ben ça c'est bon ça. Jérémy, on va se faire un petit blind test. Tu vas être opposé à Julie qui vient de Bruxelles. Salut Juju, comment ça va? Ça va et vous? Eh ben super, qu'est-ce que tu fais Julie? Rien, je glande après le travail, un peu de repos. Eh ben t'as la belle vie, t'sais. Eh ben vous savez quoi, tous les deux, on va se faire un petit blind test, mais d'abord on va s'écouter le son de Cachemire et juste après on vous reprend et on va voir qui sera le plus fort entre Julie ou Jérémy. Un petit pronostic, un peu comme un match Julie, de foot. Julie, vous votez pour Julie, Alison, Jérémy. Jérémy, Sandro. Jérémy. Jérémy, eh ben on verra ça dans quelques petites minutes, mais d'abord on se fait le son de Cachemire là maintenant sur Fun Radio. Sandro, ça te va? Si je veux. Ouais, bon allez, vas-y, c'est quand tu veux. Vous restez avec nous, hein, on se fait ça juste après. Come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? On va se faire un petit blind test sur Fun, ce sera juste après les infos. Fun Radio. Fun. Il y aura le son de Maître Gims avec Zoom Zoom aussi dans un instant, mais avant ça, on retrouve Carlo pour l'actu. Salut Carlo. Ah bah alors quoi? Et Carlo, il est où les gars? Sérieux? Attends deux secondes parce que... Carlo! Les infos! Le mec, franchement, il faut que je vous explique quand même, mais c'est juste le seul journaliste qui arrive après tout le monde pour faire ses infos. Carlo, c'est quand tu veux, hein. Bonjour Carlo. Hein. Salut Audrey, salut à tous. Le mot de la semaine, c'est très clairement Brexit, vu que c'est ce jeudi que les Britanniques vont se prononcer par référendum sur une sortie ou non du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Et l'autre mot de la semaine, eh bien, c'est suspense, vu que les derniers sondages donnent les deux camps au coude à coude. L'avenir du Royaume-Uni et celui de l'Union Européenne risquent donc de se jouer à pas grand-chose. Hein. Ce matin, Philip Hammond, ministre britannique des Affaires étrangères, a mis en garde les partisans de Brexit. Une sortie du Royaume-Uni serait irréversible, a-t-il dit, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Ou alors des conditions inacceptables pour les Britanniques, genre rejoindre la zone euro. Cela dit, je ne suis pas sûr que cette mise en garde fera très peur aux partisans du Brexit, vu qu'a priori, ils n'ont pas l'intention de faire marche arrière à l'avenir. Et puis certains craignent que cette histoire de Brexit ne finisse par faire penser aux poupées russes. Comprenez que si on fait sortir le Royaume-Uni de l'Union Européenne, on finira peut-être par faire sortir l'Écosse du Royaume-Uni. Il faut savoir que les Écossais sont généralement pro-européens. Donc, en cas de sortie de l'Union, il risque d'y avoir une grosse, grosse crise entre Londres et Édimbourg. Pas de crise entre Paris et Bruxelles, par contre, mais au contraire, une coopération sur le plan judiciaire, policier ou politique pour lutter contre le terrorisme. Une délégation des membres de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 22 mars a rendu hommage ce matin aux victimes des attaques terroristes du 13 novembre à Paris, avec une courte cérémonie devant le Bataclan. Patrick De Waal, le président de cette commission, a évoqué la coopération entre la France et la Belgique, mais a insisté sur le fait que pour combattre efficacement le fléau du terrorisme, c'est au niveau international que cette coopération devait s'exercer. Et à propos de ce triste 22 mars, on a appris que deux des trois hommes interpellés samedi à Bruxelles sont de la famille des frères El Bakraoui, auteurs des attentats d'il y a trois mois. Ils projetaient, paraît-il, de commettre un acte terroriste ce samedi lors de la retransmission de Belgique-Irlande, Place Rogier. À propos de l'Euro 2016, les deux derniers matchs du groupe B se disputent ce soir. Alors, je ne sais pas si le Royaume-Uni quittera l'Europe dans un avenir proche, mais il serait très surprenant de voir l'Angleterre quitter l'Euro ce soir, même si elle devait perdre contre la Slovaquie. Et si le Pays de Galles devait battre la Russie, dans ce cas, les Anglais, actuellement en tête du groupe, termineraient troisième, mais avec 4 points, ils seraient sûrement dans les meilleurs troisièmes. Les deux matchs de la soirée qui se disputeront à 21h voudront en tout cas leur pesant de suspense, vu que tous les cas de figure, ou presque, sont encore possibles. En tout cas, les 4 équipes en lice peuvent toujours prétendre à la qualification pour les 8e. Et pour terminer ce flash, il va encore être question du Brexit. Brexit dont les conséquences seraient vraiment multiples. Ainsi, les maquettes représentant la Grande-Bretagne à Mini-Europe à Bruxelles devrait disparaître, il y en a 6 ou 7, notamment le fameux Big Ben. Mini-Europe qui a choisi l'humour pour évoquer le référendum de jeudi avec une mini-manif. Plusieurs mini-personnages manifestent au pied de Big Ben, avec d'un côté les pro-Brexit et de l'autre les anti, forcément. Je dis les anti, mais ça ne veut pas forcément dire que les autres sont méchants. Fun Radio. Faire la crêpe ou manger des crêpes. Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Dans un instant sur Fun Radio, il y a Jérémy et Julie qui vont s'affronter au blind test. On va voir qui va remporter la manche, ce sera juste après la météo, Carlo. Demain, les températures seront un petit peu en hausse, jusqu'à 20-21 degrés, avec toujours l'une ou l'autre petite averse, mais généralement, le temps devrait rester sec, même si les nuages seront toujours omniprésents. Voilà, tous une excellente soirée, je vous retrouve demain à midi, et vous laisse avec Audrey et le son de Maître Gims. Salut. Trouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. La Vie Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Et ton fils. Bless, Matuidi, Ribéry, Benzema, oh, Pogba, Pogboum, what I know. Elle a jeté son cœur en fleuve, à part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle avance dans le noir, tout à coup le sol s'allume comme dans Billie Jean. Tout s'accélère, elle veut contrôler le monde comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et rafler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Mercobenz. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Mercobenz. Je vais pas qu'à 10 ans d'un zoo. soir. Ça ira, ça ira, ça ira pour ce soir. Les compliments n'ont pas d'effet, mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chiffres. Sentiment la ralentie, tu t'effrites peu à peu comme un morceau de chips. Donc elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le complément n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Merco. Elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le complément n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le 6 mois 5. Que ça se passe sur Fun Radio avec This Girl. Il y a aussi Martin Solveig juste avant avec Do It Right. Bon, d'habitude on fait pas ça, mais on s'est dit qu'on allait se prendre un petit délire dans l'émission. On va se faire un blind test. Yep. Ah, c'est le jeu préféré de Fab. Hein. Oui. Et je dois dire, franchement, que tu es plutôt bon à ce jeu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu as de bonnes références. Pourquoi tu fais des compliments? Peux pas, j'ai envie. Pour une fois qu'il est bon dans quelque chose, après. Mais enfin, Sandro, ça va l'aigreur. Ah bah, non mais oh. Faut avouer les choses. Oh, c'est ça, ouais. Arrête. C'est on pas fera un tic-tac-boom, tiens, un de ces quatre. Tu me rappelles que. Tic-tac-boom, il y en aura un demain. Voilà. Ah. Donc, on fera la vengeance demain. En attendant, on est avec Jérémy d'un côté qui vient de Zélic et de Julie qui vient de Bruxelles. Ça va, les amis? Ça se passe? Ça se passe. Imhotep, il met la famille, okay. Ça va, Imhotep. Bon, alors, les gars, vous avez le choix entre Fab ou moi. On va faire deux équipes. Hein. Donc, qui veut venir dans mon équipe? Moi je vais bien. Ah merci. Oh les gens. Voilà. Pas de ça, ça c'est horrible, tu sais, j'ai l'impression c'est comme quand t'es à l'école et que tu fais une équipe pour ouais, le foot. Le dernier choisi, et que en fait. Personne veut te. Bah du coup. Alors on fait une équipe de filles avec Julie et bah du coup Fab tu fais équipe avec Jérémy, ça d'accord marche. Dès que vous avez une idée de la réponse, vous criez votre prénom. Pareil pour toi Fab et pour moi. Okay. D'accord, tout le monde a bien compris? Oui. C'est compris. Attention, c'est parti. Premier extrait. Hein? Allez. Julie? Oui, vas-y Juju. Un truc Atlantide? Atlantide, hein? Non, pas du tout. Ouais. Fab? Oui. Capitaine Flamme? Pas du tout non plus. Goldorak, Audrey? Non, on est pas loin. Bon, mais attends, ça c'est un dessin animé de la préhistoire, ça. Il y a un thème au blind test ou pas? Oui. C'est quoi le thème? C'est les dessins animés. Ah, attends, le... Non, je sais pas, moi personne ne trouve. Julie? Ouais, Julie, vas-y. Captain Planet? Non, bon, je donne la réponse. Oh là là. C'est Albator. Albator? Oh là là. Oh, là là. Vieux ouais, mais ça, ça va pas. C'est le générique qu'on connaît. Ouais, c'est ça quoi. Bon, bah, du coup, ça fait 0 points. De toute façon, on se bat pas. Allez, okay. C'est parti. Et il y a un auditeur qui dit Albator, mort de rire. Eh, vous pouvez jouer aussi. On fait un truc. Tous ceux qui jouent au 30-44, ils sont dans mon équipe. Allez-y, du coup, vous pouvez filer un petit coup de main hein, si vous êtes à l'écoute de l'émission. C'est parti pour le deuxième extrait. Audrey! Oh, Audrey. Ouais. Oh, ça, je sais. Alors, ça. Attends, je vais d'abord laisser Julie si jamais elle a une idée. Juju. Julie? Oui. C'est qui? Je crois que c'est Bambi. Oui, c'est ça. Bonne réponse. Ouais. Wow. Bam, bam, bam. Okay. Ça fait un premier point pour les meufs, les gars. Et hop, la boum. C'est parti pour le troisième extrait. Fab, Capitaine Flamme. Oh merde. Bonne réponse. Ça, c'est petit, ça. On s'est fait avoir, là. Ça fait un point pour l'équipe des garçons, un point pour l'équipe des filles. C'est parti pour le prochain extrait. Audrey. Audrey. Ah, ouais. Comment je t'ai dit ? Les cités d'or. C'est ça ? Bonne réponse. Ouais. Wouh. Juju, on a deux points et ça c'est beau ça. J'ai chaud, j'ai l'impression de faire ma séance de sport tellement c'est intense. Ouais, c'est pas du sport hein. Bon. T'as assise quand même. Ouais, bon, c'est parti, nouvel extrait. Julie. Vas-y Juju. Nicky Larson, mais oui. Bonne mais réponse. Oui, ça. Bon, ça fait. Oui, tu l'avais, mais tu l'as pas dit, Jérémy. Je l'ai pas dit. Non, sois pas mauvaise. Je l'ai pas dit. Oui, c'est ça. Ça fait 3 points pour l'équipe de Juju. Ça fait 1 point pour l'équipe de Jérémy. On s'en fait encore 2, après c'est fini, les gars. D'accord. Donc, soyez bons. Hein. Si vous mettez pas le prochain, c'est perdu. Je vous mets la pression ou pas? Un petit peu. Attention. C'est parti. Audrey. Audrey. Allez. Non, Audrey, j'ai dit Audrey, c'est trop tard. Vas-y. C'est Peter Pan. Bonne réponse. Oui. Bon. Les gars, on fait le dernier pour le fun. Vous voulez qu'on fasse un dernier pour l'honneur? Pour l'honneur. Attends, Julie, on va faire un truc. On donne pas la réponse, parce que bon, on va l'avoir, parce que de toute façon, on a la réponse depuis tout à l'heure, mais on va les laisser jouer entre eux et peut-être qu'ils vont trouver au moins une réponse comme ça, hein, les garçons? Ouais, on va leur laisser ça, ouais. Allez, on écoute. C'est parti pour le prochain extrait. Oh, facile, hein, ça? Attends, on va voir. Allez, la Reine des Neiges. Ah, bah quand même! Bravo! La Reine des Neiges. Et maintenant, on chante tous ensemble. C'est parti. No, no, no. Libéré, délivré, pas de tourment. Vas-y, Juju, chante avec moi, tu vas le faire, toi. Mon téléphone ne peut plus fonctionner. J'ai envie de dire, vite comme ça, parce qu'on a la victoire humble, que c'est quand même une victoire féminine. Félicitations. Et ce qui est cool, c'est que Jérémy, tu vois, genre il est humble aussi, il fait félicitations. Je voulais essayer. C'était trop vieux pour moi, c'était vraiment trop vieux pour moi. Ne trouve pas d'excuses, hein. Tu serais pas un peu italien toi sur les bords? Parce que... Jérémy, je te fais des gros bisous en tout cas. Et Julie aussi, pareil, vous raccrochez pas, comme ça on va prendre vos coordonnées pour vous envoyer un pack fun. On se fera un blind test très vite. Et là côté son dance floor, on se fait un petit Martin Solveig sur Fun, bougez pas. Show me yours, I'll show you mine too. Radio. Fun Radio. Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Jazzy on them. You know the words in my songs. No, habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You can suck my penis. Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Bold and jet, what you expect? Her pussy so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Le son d'Enslore continue sur Fun Radio avec Kongs, This Girl. Kongs, il est venu sur Fun Radio, il était notre invité. Allez voir sur funradio.be, il y a toutes les photos, les vidéos. Quel beau gosse celui-là. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. On va se faire les people dans un instant. On aura du cadeau aussi à vous filer avec l'Alcatel Pop 4. C'est le tout nouveau qui vient de sortir. Mais d'abord, c'est parti pour l'horoscope. On va vous dire si vous devriez porter des lunettes, les béliers. C'est la troisième fois que vous confondez votre femme et votre belle-mère. Alors, même si de deux ça ressemble, il y en a une des deux où l'intérieur est un peu plus abîmé. Non, c'est pas vrai. C'est complètement dégueulasse. Les taureaux. Votre œil droit joue au billard et le gauche compte les points. Des lunettes, ça sert à rien. Vous êtes totalement bigleux. Gémeaux. Votre vision est tellement mauvaise que ça fait des années que tous les soirs vous promenez le doudou de votre fille au lieu de sortir le chien. Cancer. Vous êtes comme Maître Gims, vous quittez jamais vos lunettes, pas parce que vous ne voyez pas, c'est juste que vous êtes moche. Mais enfin, tu sais pourquoi il a des lunettes, Maître Gims? Parce qu'il est moche. Non, il est pas moche. Ne sois pas aigri, il est plutôt beau gosse le mec. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'en fait il a un strabisme. Donc il a un œil qui dit merde à l'autre. Donc effectivement, quand t'es un rappeur, ça le fait pas. Et quoi. Ils sont tout le temps en discussion. Et les lions, c'est parti. Votre ophtalmologue vous l'a dit, si vous changez pas de lunettes très vite, l'étape d'après, c'est un chien blanc et une canne. Oh, vierge. Il serait temps de consulter, même quand vous allez au cinéma, vous trouvez que l'écran est un peu petit. Balance. Vous plissez tellement des yeux quand vous devez regarder quelque chose que les gens pensent que vous êtes asiatique. Scorpion. Vos verres sont tellement épais que s'ils avaient fait la coque du Titanic, le bateau aurait jamais coulé. Sagittaire. Vous voyez tellement rien que vous n'avez toujours pas remarqué que votre femme était partie depuis 2 ans. Capricorne. Il serait peut-être temps de faire quelque chose, hein. Votre vue est aussi bonne que celle d'un aigle, mais empaillé l'aigle. Verseau. Vos yeux, c'est un peu comme le piétonnier de Bruxelles. Il y a de l'idée, mais ça marche pas très bien. Et enfin, on termine avec les poissons. Vous voyez tellement rien que des fois, il vous arrive de rester bloqué 3 jours dans votre propre chambre. Ah, c'est malheureux, ça, quand même. Bon, l'horoscope, ce sera de retour très vite dans l'émission. On va vous filer un Alcatel Pop 4 aussi pour essayer de repartir avec. Ah bah c'est pas compliqué, il faut juste envoyer POP pop par SMS au 6322, tirage au sort avant 20h et là côté son dance floor, c'est cool ce que je vous ai calé. Il y a aussi Major Lazer là, vous entendez, c'est boum. Vous avez été les premiers à l'entendre sur Fun Radio et ça arrive dans quelques petites minutes dans la Power. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Fun Radio présente Maître Gims en concert. Samedi 10 décembre, Maître Gims va enflammer la scène de Forêt Nationale à Bruxelles. Le leader de la section d'assaut qui a déjà écoulé plus de 2 millions de disques revient en Belgique pour une date unique. Maître Gims, en concert le 10 décembre à Forêt Nationale avec Fun Radio. Place en vente sur Sherpa.be. Plus d'infos sur funradio.be. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio, le son dance floor. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son dance floor. Don't need permission, made my decision to test my limits. 'Cause it's my business, God is my witness. Stop what I finished. Don't need no holder, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused. My mind is open. All that you got's gonna skin. Oh my God, don't you stop, boy. Something about proving, I'm bulletproofing, know what I'm doing. The way we're moving, like introducing us to a new thing. All that you got, skin to skin. Oh my God, don't you stop. Something about de drôles de dames. Audrey, elle, a de drôles de collègues. Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Oh,

c'est l'actu people dans l'Happy Hour. Eh bah ouais, on a un spécialiste des people, Fabi suit les people jusqu'aux chiottes. Rien à foutre pour avoir les infos avant tout le monde, enfin, on je les vais balance. Pas avec toutes les people aux chiottes, hein. Il y en a je rentre pas. Hein. Par exemple, avec qui tu voudrais aller aux chiottes? Genre si tu pouvais choisir un people pour passer un moment sur le pot avec, ce serait qui? Ah, ça serait, je pense, Ariana Grande ou un truc du genre. Oh, t'imagines, même, je suis sûre que même elle, en train de couler un bronze, elle doit être sexy. Elle doit chanter pendant qu'elle coule. Attends, vas-y, mets un petit extrait d'Ariana Grande, on va essayer d'imaginer tous ensemble sur le pot de toilette. Ouais, ce serait classe, non, franchement. Parce ouais, qu'on dit classe, souvent que... je sais pas, mais... Regarde. Ah ouais. Je suis en train de faire caca. Excusez-nous, on a un peu craqué. Ceci n'a rien à voir avec les infos que tu voulais dire. Non, ça n'a rien à voir. On commence par un truc assez lourd quand même aussi, mais c'est pas du caca. C'est Gérard Depardieu qui s'est fait défoncer par Rocco Siffredi. Ah ouais. Ça m'a fait mourir de rire. Attends, parce que attends, une phrase où tu dis Gérard Depardieu s'est fait défoncer par Rocco. Non, pas dans le même film. Non, c'est verbalement. C'est verbalement. Ah. Depardieu a été interviewé par un magazine et puis il expliquait ouais, c'est dégueulasse, le festival de Cannes, c'est n'importe quoi. Rocco Siffredi qui monte les marches avec 3-4 nanas à moitié à poil, ça dénigre le cinéma, c'est du porno, ça n'a rien à faire là-bas. Puis on a interrogé Rocco Siffredi qui expliquait, qui dit bah, je comprends pas pourquoi il dit ça, Gérard, c'est un pote, on a partousé plusieurs fois ensemble. Oh. Mais non. Ah si, attends. Ah bon, c'est un. Mais blague à part, il paraît, c'est vrai que Gérard Depardieu, il est un peu. Olé olé. Bah, tous les mecs, attends, il a dû faire des soirées bunga bunga. Non, mais lui, sérieusement, une fois, j'avais fait un truc sur. Vous savez, le film Rien à déclarer avec Danny Boone. Oui. Ouais. J'avais été pour faire de la figuration comme ça pour s'amuser. Ouais, tu faisais les caisses, toi. Voilà, c'est ça. C'est carrément ça. Genre le piquet, tu sais qu'il bouge pas, mais je faisais ça. D'accord. Et ben, il y avait Gérard Depardieu qui était venu faire un coucou sur le plateau. Et punaise, mais il arrêtait pas de draguer toutes les meufs qu'il y avait sur le tournage, quoi. Ah, ouais, t'as dragué? Non. Non, bah, c'est... il a bon goût. Et donc, Gérard Depardieu a fait un boogie bunga avec. Rocco, ah là, mais t'imagines le pauvre Rocco, quoi. Il en a vu des trucs dans sa vie horribles et il a vu Gérard Depardieu à poil. Un long pif et un long zizi, c'est parfait là. Ça. Enfin, long pif, on sait, mais long zizi, on n'est pas sûr. Ça aurait pu être le titre du film. c'est un rock, c'est une péninsule. Mon Dieu, que c'est un gros zizi. C'est un Depardieu, en fait. Hein. Bon, t'as d'autres infos, people? Oui, ce cher ami 50 Cent, là, qui se comporte pas très bien, le mec, quand même. Hein. C'est pas très cool ce qu'il fait. Il était dans des embouteillages à New York, dans sa Rolls décapotable, et puis il y a un mec qui est venu et qui l'a reconnu, donc qui a traversé la rue avec son pote pour aller le voir, et il a eu le malheur de s'accouder sur sa caisse pour dire hey, je peux te serrer la main et avoir un autographe, et 50 Cent il l'a repoussé, genre en lui mettant une claque, dégage, je touche pas à ma caisse. Le truc, c'est que c'était un enfant qui a fait ça. Oh et donc 50 Cent il tape sur les enfants, mais oh non, c'est pas bravo, cool, ça. C'est très bien, 50. Après, c'est vrai que tu peux avoir les nerfs qu'un enfant te griffe ta voiture, mais en même temps, il a tellement de sous qu'il s'en fout, il peut la faire refaire. Mais t'as de quoi acheter une Rolls, t'as de quoi refaire la peinture. Bah, c'est ça, quoi. Il était pas fauché à 50 Cent il y a quelques temps? Ouais, il a fait semblant, mais il a fait genre une faillite pour être tranquille. Ouais. C'est pour ça qu'il a pris une Rolls décapotable, il a pas de quoi acheter le toit, tu vois. Bon, tu reviens demain avec des infos people. Ça marche. Tu les suis, hein, genre jusqu'au bout. T'inquiète. Tu lâches rien, Fab, on croit en toi. Ça va. On va sur le son de Rehab maintenant sur Fun Radio. Il vous reste quelques petites minutes, c'est-à-dire juste le son de Rehab pour vous inscrire, pour repartir avec votre Alcatel Pop 4. Ce téléphone, les gars, c'est une tuerie. Il a un appareil de 8 mégapixels pour des photos de qualité, un lecteur MP3, vous avez même la radio pour écouter l'émission direct, si ça c'est pas génial. Il suffit d'envoyer pop par SMS au 6322. Bonne chance tout le monde. Tirage au sort juste après Rehab sur Fun. Bougez pas. Let me live on the line. I got a little freakiness inside, and you know that the man has got to deal with. I don't care what they say, I'm not about to pin nobody's way, 'cause it's all about the dog in me. Mm-mm. I want a freak in the morning, a freak in the evening, just like babe. I need a perfect brother that can satisfy me, just for me. If you are that kind of man, 'cause I'm that kind of girl. I got a freaking secret everybody sing, 'cause we don't give a damn about a thing. 'Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. We can all through the night to the early. tell me if you are that kind of man. Cause I'm that kind of girl. I got a freaking secret, everybody sing. Cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the dawn. We get all through the night to the early morn. Come on and I will take you around. Bonne soirée sur Fun Radio. Dans un instant, c'est DJ Snake qui arrive avec Talk. On aura aussi de Chainsmokers avant de retrouver Vince en mode libre antenne. 20h-23h, à partir de 23h, c'est Mike Open Space avec Libertad qui arrive. Mais juste avant, on va faire sonner maintenant chez quelqu'un qui va peut-être partir avec son Alcatel Pop 4. C'est le tout nouveau téléphone, le tout nouveau de chez Alcatel, celui qui vient juste de sortir et la on vous l'offre bombe, hein. Avant tout le monde. Et ouais, c'est pas n'importe quoi comme téléphone. Si vous voulez le choper, bah c'est simple, il faut juste envoyer Pop par SMS au 6322. On en a plein à vous filer pendant toute la semaine, donc allez-y, vous vous inscrivez et ça compte pour tous les jours. Voilà, on fait sonner, si ça décroche, c'est gagné. Allô ? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Émilie. Comment ? Émilie ? Oui. Émilie, t'as quel âge ? Tu viens d'où ? J'ai 25 ans et je viens de Mons. Tu viens de Mons. Émilie, il paraît que tu veux repartir avec ton Alcatel Pop 4 ? Oui. Eh ben, c'est gagné ! Ouais ! Bravo Émilie, ça te fait plaisir ? Ah oui, oui, trop, génial. T'avais besoin d'un téléphone ou alors genre ça en fait un de plus ? Faire la collection. Non, j'avais besoin d'un téléphone. Ouais. Eh ben voilà, c'est parfait. Tu raccroches pas, on va reprendre toutes tes coordonnées et t'envoyer très vite ton Alcatel Pop 4 chez toi, d'accord ? Un grand merci. De rien, je te fais des gros bisous Émilie. Et si vous aussi vous voulez repartir avec un Alcatel Pop 4, eh ben c'est possible. Voilà, on en a plein. On a décidé qu'on allait vraiment vous faire plaisir toute la semaine sur Fun Radio. On peut même en faire tomber dans l'émission plusieurs durant toute la journée. Donc allez-y, vous envoyez maintenant Pop par SMS au 6322. Et là comme promis, c'est DJ Snake avec Talk sur Fun Radio. Touch of your skin. Want to lose.